Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Les tarifs d'accostage au port de Lumonge sont différents. Le responsable de l'autorité maritime à Lumonge explique cette situation par les tonnages et les valeurs des produits qui sont également différents. Vous l'entendrez. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida nie toute implication dans un démantèlement probable des syndicats SINAPA et SNTS au profit de la naissance d'un autre syndicat. Dans ce journal, vous entendrez le porte-parole du ministère, Jean Bosco Giroukouichaka. Dans ce journal également, Christine Nahe annonce un recueil qu'elle a intitulé, elle, un hommage aux oubliés. La surnommée Maman Dimanche parlait de ces femmes rurales qui ont beaucoup contribué au retour de la paix au Burundi, qui sont malheureusement oubliées. Et puis au sport, les formations de volleyball Muzinga côté masculin et les As côté filles ont gagné ce dimanche les matchs d'ouverture du championnat édition 2018-2019 en mairie de Bujumbura. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Sécurité d'abord pour vous dire que 7 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement la nuit dernière en commune Buganda de la province Cibitoke, à la 6e transversale suite à une grenade qui a été lancée dans un bar. Ce bilan est confirmé par la police. L'auteur n'est pas encore connu. Les habitants de la localité demandent le renforcement de la sécurité au Ben Niomuru. L'un des habitants de la colline Kasenyi à la 6e transversale témoigne sur cette grenade qui a été lancée dans la nuit de ce dimanche vers 20h30. Du coup, on a entendu un bruit bizarre. On a alors vu beaucoup de casses. 7 personnes ont été blessées. Nous ignorons les auteurs. 7 personnes ont été blessées sur le champ, dont 3 grièvement, selon les habitants de cette 6e transversale. Eric Bahouimbouye, le chef adjoint du secteur Kaburanwa, demande aux forces de l'ordre de renforcer la sécurité. Nous demandons aux forces de l'ordre de nous envoyer plus d'agents pour renforcer la sécurité pendant les heures avancées. Lorsqu'ils sont moins nombreux, les malfaiteurs peuvent en profiter pour perturber la sécurité. La police annonce que les enquêtes sont en cours. Merci Aubin. Plus de 600 litres de boissons prohibées ont été déversés par la police burundaise durant la deuxième tranche de l'année 2018. Cela a été dit ce lundi par l'assistant du ministre de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes lors de la présentation des réalisations du deuxième trimestre de ce ministère. Nakavura Serge précise que 35 kilos de Cortan ainsi que 44 kilos de cassitérite ont été saisis par la police burundaise alors qu'ils se dirigeaient vers l'extérieur du pays pour être vendus illégalement. Suivez-les. Plus de 3685 fouilles et perquisitions ont été effectuées à travers tout le pays et ont abouti à des interpellations des criminels ainsi que des saisies matérielles. 1586 criminels ont été appréhendés, 56 bandes de criminels démantelées et 16 fusils de type Kalachnikov, 2 fusils de type FAL, 4 pistolets, 1 fusil de type Mugobore, 92 grenades de 51 défensives et 41 offensives, ainsi que 4 grenades d'origine chinoise, 63 chargeurs pour Kalachnikov et 3 chargeurs pour FAL, 3438 cartouches pour Kalachnikov, 3 cartouches pour FAL et 1665 cartouches pour mitrailleuse Mi-Kalachnikov, 15 bombes pour mortier et plusieurs autres effets militaires et policiers ont été saisis. 418 kilos et 4805 boules et 25018 plans de chanvre ont été détruits au moment où 603 791,217 litres de boissons prohibées ont été déversés. Dans le cadre de lutte contre la fraude, d'un portalo de produits et articles de vente faisant objet de fraude ont été saisis et remis à l'Office burundais des recettes de 36,6 kg de coltan, 44 kg de castérite, 37 litres de vin, 30 kg de sel iodé, 3 colis de tabac, 90 kg d'engrais chimiques, 30 kg de café sec et 3200 sachets de lait loya, 9 sacs de clous, 82 fers à béton, etc. Les différences entre les tarifs d'accostage sur les ports de Rumonge des bateaux tanzaniens et ceux de la RDC sont justifiées par des tonnages et la valeur des produits. Selon Obed Niuhile, responsable de l'autorité maritime à Rumonge, les bateaux tanzaniens présentent un tonnage plus élevé et cette tarification se réfère à l'ordonnance de 2018. Il s'exprime après la descente des députés burundais à Léala sur ce port commercial de Rumonge. C'était samedi dernier, suivez-les. Cette différence est due de leur capacité de marchandises apportées au port. Ceci pourquoi ? Parce que les bottes provenant de la RDC amènent pour la plupart des fois du poisson frais et du poisson sec. Aussi avec une cargaison au plus de 4 tonnes, voire même 5 tonnes. C'est de la Tanzanie, la plupart de ces bottes ont un tonnage supérieur à 70 tonnes, arrivent à bord aussi de sel, de ciment, de maïs. Et d'autres. Vous entendez que même les bottes de la RDC sont incapables de payer l'inspection d'arrivée, l'inspection de départ, le permis de sortie, l'entretien portuaire et l'accostage, tous d'environ $215, alors que même les marchandises sont apportées n'ont pas même été vendues à $100. Pour les bottes de la Tanzanie, ils paient conformément à l'ordonnance ministérielle fixant les redevances perçues sur les activités du transport maritime et portuaire. Ceci pour signifier que ces redevances ne posent aucun problème, car même ces bottes paient les mêmes redevances au port de Bujumbura sans aucune inquiétude. Vu que la Tanzanie est un pays membre de la communauté est-africaine, est-ce que ces tarifs sont conformes à certains textes de la communauté? Oui, oui, parce que même la commission qui a siégé pour mettre en œuvre cette ordonnance, on s'est référé sur les redevances des autres pays membres de l'EIA. Il y a un constat fait par certains visiteurs sur ce port de Rumonge, remarquant qu'il y a une diminution de l'affluence de ces bateaux en provenance des pays voisins. Est-ce que cette diminution ne peut pas être liée à ces tarifs qui varient? Je ne peux pas dire que cette diminution est liée à cette variation des tarifs. Je ne peux pas vous donner telle réponse concernant cette diminution. Nécessairement, je continue à chercher d'autres informations pour connaître ce qui est dû à cette diminution. Ce responsable de l'autorité maritime sur le port commercial de Rumonge indique que les tarifs d'accostage pour les bateaux de la RD Congo sont fixés à $65, alors que pour ceux de la Tanzanie, les taxes sont à $215, une somme qui peut augmenter en fonction de la capacité de marchandise du bateau. Le ministère burundais de la bonne gouvernance dit n'avoir pas encore reçu le rapport de l'ONG internationale Transparence internationale faisant état du recul du Burundi de 13 places sur les années 2017 et 2018. L'assistant du ministre et porte-parole de ce ministère fait savoir que les producteurs de ce rapport ont leur visée du moment qu'ils n'ont pas concerté les organes concernés. Et pour rappel, ce rapport du 29 du mois de janvier dernier place le Burundi à la 170e position sur 180 pays évalués en 2018 et à la 153e position, c'était en 2017. Nous reviendrons à l'élément. Nous sommes le 4 février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Une journée consacrée, selon le ministère burundais de la Santé publique et de lutte contre le sida, à la sensibilisation, la prévention et la détection précoce. Dans un communiqué de presse, ce lundi, le ministère indique que le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde. Selon les estimations du Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, un homme sur cinq et une femme sur six dans le monde développeront un cancer au cours de leur vie. Et un homme sur huit et une femme sur onze mourront de cette maladie. Cela équivaut à 9,6 millions de personnes décédées d'un cancer en 2018. Au Burundi, 5% de l'ensemble des décès dans le pays sont dus au cancer. Les femmes sont nettement plus élevées en raison du nombre élevé de cancers du col de l'utérus qui sont les plus fréquents, suivis des cancers du sein et de l'œsophage. Et le ministère de la Santé publique nie toute implication dans le démantèlement probable des syndicats SINAPA et SNTS en profit de la naissance du nouveau syndicat SINAPS. Dans une conférence de presse animée ce lundi après que ces deux syndicats aient accusé ce ministère de perturber leurs activités, Dr Jean Bosco Girukwishaka, porte-parole du dit ministère, affirme qu'il a été agréé en 2010. Concernant les probables recrutements des forces de des membres du nouveau syndicat, il les appelle à saisir son ministère. Suivez Jean Bosco Girukwishaka. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida respecte le droit d'adhésion ou non à un syndicat. Le syndicat SINAPS, qui est dénoncé par les dix responsables, est un syndicat qui existe déjà et non un syndicat qui est en mouvement de gestation. Ce syndicat a été agréé par ordonnance ministérielle du 5 janvier 2010. Il a été signalé que les mutations opérées dans la province sanitaire de Kouyiki par le médecin provincial ont un caractère lié à son syndicat SINAPS. Je voudrais d'abord informer le public que les médecins directeurs des provinces sanitaires, les médecins chefs de district, les médecins des hôpitaux ont la latitude de pouvoir procéder à des mutations et chaque fois qu'il y a nécessité dans le but de la rationalisation du travail. Ces syndicats dénoncent des mutations qui seraient liées à l'appartenance ou au profit d'adhésion à tel ou tel autre syndicat. Là, et nous avons déjà commencé à faire des investigations pour savoir si les mutations auront eu lieu ou non. Si ces mutations, une fois, existent dans le sens du respect de la loi, donc dans le sens de la rationalisation du travail et non motivé par les informations qu'on aurait eues. Et si on trouve qu'il y a l'un ou l'autre qui aurait été victime de ces informations, le ministère est prêt à prendre des décisions pour mettre ces derniers dans leurs droits. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tantôt, le ministère burundais de la Bonne Gouvernance dit n'avoir pas encore reçu le rapport de l'ONG internationale Transparence internationale faisant état du recul du Burundi de 13 places sur les années 2017 et 2018. L'assistante du ministre et porte-parole de ce ministère fait savoir que les producteurs de ce rapport ont leur visée du moment qu'ils n'ont pas concerté les organes concernés. Suivez. Nous ne sommes pas au courant de ce rapport. Il ne nous a pas été transmis, ni officiellement, ni officieusement. Donc, il n'est pas aussi aisé de faire un commentaire à propos d'un rapport qui ne nous a pas été transmis. Et quand bien même il nous aurait été transmis, je dirais que le contenu ne serait pas acceptable par le gouvernement burundais ou par le ministère. Parce que, comme nous le disons très souvent, si tel organisme ou tel autre a l'intention de mener des enquêtes en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Nous avons des institutions qui sont chargées de lutter contre la corruption. Donc, on ne peut pas accepter le contenu d'un rapport qu'elle n'a pas contribué pour savoir si les données que nous avons fournies ont été exploitées ou pas. Le rapport dit que le Burundi a reculé de 13 places, même si vous ne l'avez pas encore reçu. Est-ce une façon d'exagérer? Il n'y a pas de corruption au Burundi? Comme je viens de vous le dire, il n'est pas facile ou n'est pas aisé de faire un commentaire sur ce pseudo-rapport parce que nous ne l'avons pas encore vu. Nous avons des institutions qui sont chargées de la lutte contre la corruption et les malversations économiques et financières. Cette institution ou cet organe dont vous parlez n'a jamais contacté les responsables de ces institutions pour demander ou pour recueillir des informations en ce qui concerne la lutte contre la corruption. En ce qui nous concerne, l'étape déjà franchie en matière de lutte contre la corruption, nous pouvons affirmer sans risque de se tromper que c'est un pas important, c'est un pas positif, sauf que nous ne pouvons pas dire qu'il est temps de croiser les bras parce que, comme nous le disons souvent, plus nous fournissons plus d'efforts dans la lutte contre la corruption et les malversations économiques et financières, plus les corrompus, les corrupteurs, eux aussi, changent de stratégie. Votre ministère collabore avec différents organes et différentes instances en matière de lutte contre la corruption. N'est-ce pas une façon déguisée d'enregistrer plutôt plus de cas de corruption? Non. Au niveau de notre ministère, il y a deux institutions qui interviennent en cette matière. judiciaire. Il y a la brigade spéciale anticorruption qui intervient surtout dans la lutte contre la corruption. Il y a aussi l'inspection générale de l'État qui intervient dans l'audit des institutions pour voir si les fonds publics sont utilisés conformément à la réglementation en vigueur au Burundi. Donc, chaque institution a ses tâches, chaque institution a ses propres missions. Il n'y a pas de problème quant à la poursuite des corrupteurs ou des corrompus. C'est plutôt une complémentarité. C'était Jean Bosco Nahimera, porte-parole du ministère burundais de la bonne gouvernance. Propos recueillis par Mireille Kanyang. Pour rappel, ce rapport du 29 janvier dernier place le Burundi à la 170e position sur 180 pays évalués en 2018 et à la 153e position en 2017. Des femmes rurales, toutes ethnies confondues, ont beaucoup contribué au retour de la paix au Burundi. Malheureusement, elles sont parmi les oubliées, selon Christine Nahe, auteure d'un recueil qu'elle a intitulé « Elle, un hommage aux oubliés ». Elle l'a annoncé officiellement ce lundi. Objectif, selon la surnommée Maman Dimanche, il faut que la génération d'aujourd'hui se focalise sur le bon exemple de ces femmes en vue de bâtir un Burundi paisible. Suivez Christine Nahe. À la faveur de l'exécution de mon contrat et en même temps que je collectais les données dans le cadre de mes prestations à Search for Home Ground, j'ai eu accès à tout un éventail d'informations par lesquelles celles relatives à des femmes qui, pendant la crise, avaient joué un rôle de premier plan et justifié des qualités extraordinaires des femmes qui ont été des héroïnes pour rapprocher les communautés divisées et ce, au péril de leur vie. Ce recueil relate donc le parcours de la femme burundaise avant et pendant la crise de 1993, la haine ethnique, le refus de l'autre et la rupture du dialogue. Il parle aussi du retour progressif de solidarité grâce aux initiatives risquées du mouvement associatif féminin. Elle, en hommage aux oubliés, raconte le travail d'ombre des femmes qui n'avaient d'autre urgence qu'un peu de sérénité pour les leurs. À travers les témoignages contenus dans le recueil, j'ai voulu que les visages inconnus des braves et courageuses femmes burundaises continuent à vivre pour la mémoire collective du pays. Il eut donc été dommage que ces femmes extraordinaires et leurs actions restent inconnues, alors qu'elles pouvaient être connues pour qu'elles servent d'exemple et de référence pour des générations actuelles et futures. Sport à présent, les formations de volleyball, Muzinga et Amical côté masculin, ainsi que les As côté féminin, ont gagné ce dimanche les matchs d'ouverture du championnat édition 2018-2019 en mairie de Bujumbura. Et au football, la Ligue Amstel 2e division au niveau national, l'on était à la 3e journée en fin de week-end. Les formations Interstars de Bujumbura et Top Junior de Kayanza sont provisoirement premières des poules A et B. Les détails avec Évariste Nzikobanyang. Le championnat de volleyball édition 2018-2019 en mairie de Bujumbura a débuté ce dimanche avec satisfaction pour certaines formations. Trois matchs étaient en lice. Côté masculin, la formation militaire Muzinga a battu Bissero Volleyball Club 3-7-0. C'est le même score en faveur de Amical contre Bujumbura Uwezo Andani. Côté féminin, New Colombe a croisé le fer avec les As. Les As a pu battre New Colombe sur le score de 3-7-0. Casaleta, capitaine de New Colombe, dit avoir compris pourquoi son équipe a perdu son match d'ouverture. Le match était assez bien, même si on n'a pas gagné, on a quand même essayé. Y avait quelques fautes, il y avait quelques erreurs à corriger, mais on espère bien gagner prochainement. Vous vous êtes incliné 3-7-0 contre les As. Qu'est-ce qui a manqué? L'expérience des joueuses. Il y a de nouvelles joueuses qu'on a recruté récemment. On espère qu'elles vont améliorer quand même. Je pense que la meilleure solution, c'est d'augmenter les entraînements pour que les autres joueuses aient l'expérience et l'endurance. Au football, le championnat national Ligue B était en sa troisième journée fin du week-end dernier. Samedi, sur différents stades, Buhumuza a battu Delta Star 3-0. Interstar a battu les éléphants 2-0. Rumonge City a battu Aigle Noir B 1-0. Royal FC a égalisé 1-0 avec Unité FC. Boussoni Star a été battu par Lumière de Mumba, 1-0. Muzinga a battu Volontaire 4-1. Le match de ce dimanche a opposé Burundi Sport Dynamique contre les Jeunes Athlétiques et c'est Burundi Sport Dynamique qui l'a remporté sur le score de 4-0. À la troisième journée, c'est Interstar de Bujumbura qui est provisoirement premier du groupe A avec 9 points et Top Junior de Kayanza est premier du groupe B avec 9 points également. Avant de clore ce journal, les pages nécrologiques, Léonard Sinzingayo, le directeur général de l'art et culture au ministère de la Culture et des Sports, vient de rendre son âme. Chanteur des années 80, il était auteur, compositeur de plusieurs chansons, dont la chanson phare qui a réuni plusieurs artistes comme Africa Nova, Chanjo Amisi, Matata et les autres. Cette chanson a été reprise aux nouvelles générations de chanteurs, Christian Savier. Léonard Sinzingayo était au ministère de la Culture et des Sports. Dans les années 80, il chante des chansons comme Nagatera Nimba, Nore Gwaruka, Morezumana, une chanson qui a été reprise par Farias. Il écrit même la chanson phare Twese Turibamwe qui a réuni beaucoup d'artistes comme Africa Nova, Janjo Aminsi, Gabo Leonce, Matata et les autres. Une chanson qui a été reprise par la nouvelle génération de chanteurs. Vous saurez que le chanteur Léonard Sinzingayo a été parmi les jurés de la compétition organisée par la radio Isanganiro, Isanganiro Award, en 2014. Merci Christian. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Ekubgimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.